Ce sont les meilleures équipes. Et si die allerbesten Mannschaften die besten, les meilleures équipes, the champions, die meisten, die besten, les meilleures équipes, the champions. Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, qui sera consacré ce soir à l'immigration et aux flux migratoires en règle générale. Ce soir, le dispositif est un petit peu réduit, il faut rassurer nos auditeurs, un petit peu sur tout le monde. L'ami Brett n'est pas là, bien sûr, le petit marin continue de grandir et ses parents sont très attentifs, donc Brett est absent. Quant à Dondé et Coach, pour des raisons chacun très intimes, ils ne peuvent pas être là ce soir, mais rien d'inquiétant, on veut rassurer tout le monde. Et Magic, pour terminer, lui continue tant bien que mal sa cure de désintoxication. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, tout va très bien. Mais ce soir en plateau, le docteur Le Man. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, Manuel. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Je suis ce soir en excellente compagnie, puisque je ne suis pas tout seul en plateau, mais je suis avec deux invités, deux formidables invités, qui vont vivre et faire vivre avec nous cette émission qui s'annonce fort passionnante, mon cher Manuel. Deux invités prestigieux, vous l'avez dit. Tout d'abord, Yacine Amena. Je crois que je prononce bien votre nom, mon cher Yacine. Vous êtes chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Non, pas du tout, me dit-on, mais si, vous l'êtes. En master, je crois, et vous êtes en train de commencer à travailler sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de, Yacine, du football et de l'immigration. Le football et l'immigration. L'intitulé de votre projet de mémoire que j'avais sous les yeux juste avant, « Le football à l'épreuve de l'immigration, l'héritage migratoire au prisme d'une pratique sportive ». Vous allez nous en dire bien plus un peu plus tard, mais d'abord, bonsoir Yacine. Bonsoir à toutes et à tous. À vos côtés, Jean-Baptiste Lois, vous êtes, selon l'intitulé que j'ai trouvé sur la toile, assistant réalisateur et assistant de production dans le cinéma, et vous avez notamment participé à deux films qui nous intéressent beaucoup, Le football et l'immigration, 100 ans d'histoire commune, film réalisé par l'ami Canto et par Gilles Pérez, et Les Rebelles du foot, par le même Gilles Pérez et Gilles Roff. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Voilà, une émission qu'on a choisi d'intituler donc Foot, immigration et flux migratoires. On va tout de suite écouter la bande-annonce du film de Canto et Gilles Pérez. On n'est pas né que déjà on a une histoire. On hérite de toute une histoire. L'équipe de France leur doit tant et depuis si longtemps. Mon rêve, c'était la France, comme le rêve de mon père était la France avant. Parce que pour lui, le maillot, le drapeau français, c'était très important. Le coach. À chaque génération, ces joueurs venus d'ailleurs ont écrit l'histoire des Bleus. J'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller la mine. Pourquoi ? Parce que j'étais fils de Polonais et il n'y avait pas de place pour deux fils de Polonais. Je suis venu pour survivre. Voilà. Quand je pense à mes parents, parcours, le chemin, c'est beau. Éric Cantona part à leur rencontre et propose une nouvelle histoire de l'immigration. Foot et immigration, 100 ans d'histoire commune, dimanche 20h55. Foot et immigration, c'est un film, Jean-Baptiste, qui a été diffusé la première fois sur la chaîne de télévision Canal+. C'est bien ça. Exactement. C'était En septembre 2014. Donc c'est un film qui a un an. Exactement. Maintenant. Il est sorti au cinéma par la suite ? Non, il y avait juste des projections, des avant-premières. D'accord. Quelle a été la réception de ce film ? Au niveau des journalistes ? Oui, et public, il y a eu des... Plutôt bonne, l'audience était assez bonne parce que ça faisait partie de la thématique des 30 ans de Canal+. Donc il y avait une bonne publicité à la fois de la chaîne et les retours des journalistes étaient dans l'ensemble plutôt bons, surtout dans notre domaine spécifique du journalisme sportif. Après, bien sûr, il y avait des critiques précises sur des points dont on reparlera peut-être plus tard, sur le contenu et la forme, où on faisait des références à des manques, par exemple, dans le foot amateur, ce genre de choses, qu'on parlait peut-être trop de joueurs stars, voilà, ce genre de choses. Effectivement, dans cette bande-annonce, on entend, enfin, on reconnaît, nous, spécialistes du football, quelques voix connues. On reconnaît, je crois, Basile Boli, Zinedine Zidane, Michel. On entend le rire de Michel, je crois, de Platoche. On reparlera de ce film un tout petit peu plus tard, mais d'abord, cher docteur, on va s'intéresser au travail de Yacine Amena. Bien sûr. Yacine, on va rappeler l'intitulé de votre projet de mémoire, Le football à l'épreuve de l'immigration, l'héritage migratoire au prisme d'une pratique sportive. Je voulais, moi, en premier lieu, vous questionner, cher Yacine, sur l'origine de ce projet de recherche. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à proposer ce travail? Et qu'est-ce que vous allez chercher, probablement, à démontrer avec ce mémoire? Alors, ce projet de mémoire, en fait, avait commencé au moment où je suis entré dans le master de sciences sociales à l'EHESS Marseille, donc le site qui se trouve à la Vieille Charité. J'avais postulé pour entrer dans ce master-là avec déjà l'idée de ce mémoire en 2014, en fait, au mois de juin 2014, en fait, et pendant la Coupe du Monde 2014. Et c'était en regardant les matchs de la Coupe du Monde, en parlant de foot, en continuant à m'intéresser au foot, que je voulais, en fait, peut-être faire un travail sur ce sujet-là, et notamment sur la question, en fait, au début, de la binationalité. Parce que je m'étais rendu compte que l'équipe d'Algérie, au moment de cette Coupe du Monde-là, qui avait été une belle équipe, notamment un grand match face à l'Allemagne en huitième de finale... Tout à fait, on s'en souvient. En fait, cette équipe est composée de 80% de personnes en fait, qui sont nées en France, qui ont été formées en France, et qui sont ce qu'on peut appeler des jeunes issus de l'immigration. Et je me suis questionné sur ce retour-là en équipe d'Algérie, en fait... Et sur cette notion de la binationalité, le fait de pouvoir jouer pour une autre équipe que celle du pays où on avait grandi, et de jouer pour celle du pays de ses parents ou de ses grands-parents. Et c'est comme ça qu'avait commencé mon questionnement de recherche, en fait, avant d'intégrer l'école dans laquelle je suis. Et vous pratiquez le football, vous-même ? Également. On vous a vu en short il n'y a pas si longtemps sur le Stade Vallier. Belle foulée, beau toucher de balle. Voilà, ça a l'air pas mal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si on résume un peu et qu'on tente de résumer un peu le projet de recherche tel que vous nous l'avez confié il y a quelques temps, on pourrait dire que c'est un travail sur, on va dire, un travail d'observation sur les origines géographiques et sociales des joueurs de foot en formation. Et que vous allez essayer, vous allez me dire si je me trompe ou pas, d'observer la persistance de mécanismes de stigmatisation et de différenciation en fonction des origines ethniques, géographiques et sociales des jeunes joueurs que vous allez interroger, que vous allez aussi essayer de voir la reproduction de quelques schémas de reconnaissance communautaire au sein du foot, comme dans la société en général. Et puis donc finalement, de dire qu'à travers le prisme du football, on peut faire un état des lieux des comportements sociaux face aux notions d'immigration et de, pas de lutte des classes, mais en tout cas de face à ces notions de classe sociale également. Est-ce que c'est un résumé possible de votre travail ? Ça peut être un bon résumé, c'est-à-dire que le football agit, comme le disait Christian Bramberger, comme un révélateur social. Et en fait, à travers le football... On peut questionner de nombreuses choses et les multiples identités qui en découlent. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire l'ère géographique. Donc, moi, je m'intéresse tout particulièrement aux jeunes issus de l'immigration algérienne, mais également l'identité sociale et donc l'héritage social qui peut être les composantes de chacun, qui n'est pas simplement le simple fait d'être enfant d'immigré, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant d'ouvriers, enfants de chômeurs aujourd'hui en France. Et en fait, c'est à travers le regard du football, en fait, qu'on peut avoir toutes ces questions-là. Que ce soit, par exemple, pourquoi jouer au football et pas un autre sport? regarder la question de l'appartenance donc, géographique, donc être issu de l'immigration algérienne quand on n'a pas émigré. Donc est-ce qu'elle se transmet en héritage ? Quand on a, disait dans l'introduction de Football et Immigration, on hérite de toute une histoire, est-ce qu'on hérite d'un passé migratoire, d'un héritage migratoire même quand on n'a pas émigré ? Et le football permet de rentrer au plus près de ces questions-là, de par l'appartenance et le processus d'identification qu'il opère en chacun de nous, en tant que supporter ou en tant que joueur. Mais c'est aussi questionner le rapport à l'école. Est-ce que le football devient un lieu d'éducation parallèle à l'école, s'y inscrit-on réellement en parallèle ou bien en opposition à ce schéma classique-là, et peut-on se construire, on va dire secondairement, dans le football comme on pourrait le faire dans l'école? C'est également la question de la religion qui peut être fondamentale aussi dans ce sujet, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça veut dire par exemple d'être aujourd'hui musulman en France dans le cadre d'une pratique sportive. Et c'est toutes ces questions-là en fait que j'aimerais voir de plus près en entrant par la case football. Ok, Yacine, docteur, est-ce que vous avez une question, j'imagine. J'imagine. Oui, ce rapide résumé de ce projet m'a beaucoup intéressé. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous comptez procéder, comment vous allez procéder, parce que lorsqu'on fait des études d'anthropologie, des études en sciences sociales, très souvent, on essaie de trouver finalement un panel avec lequel on va travailler. Il s'agit, vous l'avez dit, de footballeurs en formation. C'est-à-dire qui sont déjà dans les centres de formation, c'est ça, hein ? Qui ont déjà franchi un cap, en fait. Alors, pas forcément qui sont déjà en centre de formation, mais qui pratiquent le football dans le but d'entrer en centre de formation ou enfin dans le but de devenir footballeur. D'accord. Car il s'agit ici de représentation sociale de ces jeunes footballeurs. Oui. Et que ces représentations-là sont peut-être aussi importantes que la réalité et sur la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes, en fait. Et c'est aussi de leur donner cette parole-là pour comprendre la manière dont ils se représentent leur société et leur place dans cette société-là, à travers le football. Pour regarder tout ça de plus près, ça serait d'abord de les interroger eux-mêmes, donc pour leur donner cette parole-là, mais également leurs entraîneurs, donc les encadrants, le groupe de pairs, les amis, les copains footballeurs. Est-ce qu'il existe des entre-soi de footballeurs, déjà dès le plus jeune âge, où on traîne avec ses copains de football, qui deviennent après ses amis ? Et d'interroger aussi les familles pour voir en fait comment la famille perçoit cette pratique-là. Est-ce qu'elle peut être justement une sorte de stratégie, que le football serait un moyen de réussir, de passer des échelons ? Alain Ehrenberg, dans Le culte de la performance, par exemple, disait que le football était une des seules pratiques où on pouvait passer de rien à tout, en fait, de tout en bas jusqu'à tout en haut. Surtout avec la monétarisation qui existe aujourd'hui dans le football. Et des enfants stars, en fait, qui, dès l'âge de 17-18 ans, deviennent connus à l'échelle mondiale et ont les salaires qu'on leur connaît. Donc, est-ce que ça devient aussi une stratégie familiale à un moment donné ? Ou alors, est-ce que, justement, c'est vécu comme quelque chose qui est parallèle à l'école, c'est-à-dire tu as le droit de jouer au football tant que tu as des bonnes notes ? Donc, un moyen peut-être de faire pression pour que ces jeunes-là continuent de s'insérer dans les schémas traditionnels que serait l'école. Et enfin, voir aussi la place de ces jeunes-là dans leur famille, en fait, comment eux se perçoivent dans cette famille en tant que jeunes footballeurs, et notamment le fait que moi, je travaille essentiellement sur de jeunes garçons, et voir leur position, du coup, de genre également, en fait, par rapport aux sœurs dans la fratrie, et à une possible pratique sportive ou non, et la perception de soi dans sa famille, en fait. D'accord. Et est-ce que... c'est vrai que c'est un travail qui est en cours, qui va se faire, je pense, tout au long de l'année. Mais est-ce que vous avez déjà des idées, je ne vais pas vous demander des premières conclusions, mais quand même des idées de ce que pourraient être ces conclusions, notamment sur différents aspects. Par exemple, vous évoquiez la rupture. Est-ce que le football se construit finalement contre l'école ou pas ? Ça, c'est une des premières questions à laquelle je vais vous demander de répondre. Et autre question, c'est celle d'un caractère qu'on pourrait penser comme inclusif finalement du football, c'est-à-dire que le football permet de rentrer dans une nouvelle sphère, on va dire, communautaire, au sens classique communautaire, sur une nouvelle sphère sociale, ou est-ce que finalement le football ne permet pas de transiger en fait, et d'abattre des barrières sociales, économiques, ethniques, qui sont extrêmement fortes? Est-ce que, pour l'instant, vous, dans ce que vous cherchez, vous voyez apparaître des réponses déjà, sans voilà, vouloir présumer de recherches qui vont vous les donner, très certainement? Alors, des réponses définitives, non, car comme tu le signalais, c'est un travail qui est en cours. Est-ce que l'école va se positionner comme contre le football? Pas forcément. C'est-à-dire que, justement, ça peut être comme deux formes de socialisation parallèles. Les centres de formation mettent de plus en plus l'accent sur une réussite à l'école, c'est-à-dire que des bonnes notes peuvent être exigées, mais également de par les parents, en fait, qui peuvent mettre une pression sur l'enfant en lui disant « il faut avoir des bonnes notes pour continuer le foot ». Mais est-ce que ça ne fonctionne pas? Je ne crois pas que dans les centres de formation, j'ai l'impression justement que le niveau scolaire baisse dans les centres de formation. C'est ce que j'ai entendu dire, moi, en tout cas. Alors, moi, ce n'était pas dans le cadre de l'enquête que j'ai également entendu dire ces choses-là. Mais du coup, il y a eu beaucoup de centres de formation qui ont pris les devants et qui voulaient remonter ces taux-là. Et là, je pense que c'est lié à une forme de stigmatisation qui pèse sur les footballeurs comme étant des incultes et des gens qui ne sont pas très fortement diplômés. D'autant plus que quel est le pourcentage, par exemple, vous savez ou pas, de footballeurs qui rentrent dans un centre de formation et qui ressort et qui devient professionnel? Est-ce qu'il y a une idée, c'est quoi? C'est 10% ou c'est à mon avis, c'est assez faible. C'est très faible. C'est faible. C'est très faible. D'accord. C'est bien en dessous de 10%. Je vous interromps, je suis désolé, donc vous pouvez passer à la deuxième question, maintenant que je vous ai bien interrompu, sur cette notion finalement de... Voilà, est-ce que le football crée en fait une nouvelle société, une nouvelle micro-société, ou est-ce que c'est une nouvelle micro-société qui est quelque part un peu aussi factice, éphémère, ou est-ce que c'est un nouveau monde, quoi? Je crois que pour le temps long du centre de formation, ça crée une nouvelle société, et que le centre de formation agit comme une institution totale, avec ses propres codes et ses propres pratiques, où les jeunes, quand ils y entrent, appartiennent à ce nouveau monde, qu'est l'apprentissage, la première forme d'apprentissage de sport à haut niveau, en fait, avec des entraînements de plus en plus réguliers et où ça se concrétise. Donc ça peut agir comme une sphère communautaire, mais pas la seule. Donc on peut observer des entre-soi de footballeurs dans ce cadre-là. Mais par exemple, il peut y avoir aussi des entre-soi avec les copains du quartier et qui ne seront pas dans la sphère du centre de formation ou de l'entraînement de football, mais une forme d'entre-soi possible aussi. Pardon, excusez-moi Yacine, je vous ai coupé. Continuez. Non, je vous voyais, Jean-Baptiste, prendre des notes aussi sur ce que disait Yacine. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ces propos? Non, peut-être plus tard, oui, pour montrer qu'effectivement, il y avait... Moi, je pensais, on a fait, dans le cadre des tournages du film, justement, Foot Immigration, un peu la tournée des clubs amateurs. Donc, on a été à la rencontre des éducateurs, que ce soit dans le Nord, en Lorraine, dans le Sud-Est, à la frontière espagnole, à Lyon, dans tout ce qui est banlieue parisienne. Et on s'est rendu compte de l'impact de la famille, de la cellule familiale, sur ces jeunes joueurs qui sont des fois parfois en U9, en U11, donc même pas 10 ans. Et la pression des pères qui est alarmante, parce qu'on... L'impact médiatique fait qu'il y a une espèce de forme de starification, comme disait Yacine. Et tout le monde, tous les pères pensent, veulent faire de leurs enfants un potentiel Ronaldo qui va sauver la famille économiquement. Alors que, comme tu disais Camille, je crois que le pourcentage est bien inférieur à 10% de réussite, de professionnalisation dans les centres de formation. Donc il y a vraiment une espèce de désillusion qui est difficile, je pense, pour grand nombre d'entre eux. Voilà, c'est tout. Yacine, moi je voulais vous interroger sur votre méthode aussi précisément de travail. Vous allez procéder par entretien, j'imagine. Donc vous l'avez dit sur une population assez précise. Vous pouvez juste nous détailler un peu plus la méthode que vous, j'imagine, vous êtes déjà en train de mettre en place. Alors pour la méthode, ça va être de l'observation. Ce que je suis en train de faire, c'est de l'observation et des entretiens avec des jeunes enquêtés, mais que je suis actuellement en train de faire et de poursuivre. C'est-à-dire que c'est loin d'être terminé. Mais pour la population entre guillemets choisie, ça va être pour moi des jeunes qui ont entre on va dire grossièrement 13 et 17 ans, 13 et 16 ans, qui sont les classes d'âge, en fait, soit au moment de l'entrée en centre de formation, soit juste un peu avant, soit juste un peu après. Et je crois que c'est un moment significatif dans la socialisation de ces jeunes joueurs. Parce que c'est là où on a encore tout un tas de rêves et de projections vers l'avenir qui sont tout aussi intéressantes que quelqu'un qui aurait réussi, en fait. De la manière dont il se représente ce futur-là, en fait, ce futur footballeur, qu'ils seront peut-être ou pas, d'ailleurs. Docteur, quelque chose à rajouter pour l'instant ou... Non, mais c'est vrai que ça me semble extrêmement intéressant et pertinent de faire ce type de recherche. Hein. On va voir dans la suite de l'émission que, effectivement, finalement, le football est un domaine qui est de plus en plus étudié dans les sciences sociales. Et, alors, bon, je dirais pas que c'est une bonne chose forcément, parce que c'est vrai que toujours ce football devienne une chose centrale de tout pose parfois certains problèmes, mais ça reste un phénomène social extrêmement important, donc c'est assez intéressant finalement que des gens censés se penchent sur la question, donc ça c'est quand même quelque part une bonne chose. Voilà, d'entendre des propos un petit peu différents, ça fait plaisir. Certainement, et des gens censés, il y en a, on a vu l'étendue de votre bibliographie par exemple que vous avez préparée pour ce travail. Si on fait un peu l'historique des gens importants qui se penchent sur ces questions, vous en avez cité déjà quelques-uns. Il y a peut-être Stéphane Beau qu'on a évoqué en préparant cette émission. Yacine, vous pouvez nous dire deux mots du travail de recherche de ce chercheur? Alors oui, quelques mots. Je suis pas sûr d'être très pertinent, mais je vais essayer. Stéphane Beau est donc chercheur en sociologie, actuellement en sociologie à l'Université de Paris 10. Il a beaucoup travaillé sur les cultures populaires, sur les classes ouvrières, sur notamment un bouquin qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière » avec Michel Pialoux. Et c'est quelqu'un qui a eu une pratique du football dans sa jeunesse et qui n'a pas voulu travailler directement sur ces sujets-là car il les pensait trop proches de lui, mais qui avait déjà écrit un article qui est un article pionnier dans la recherche en sciences sociales sur le football avec Gérard Noiriel en 1990 dans la revue 20e siècle qui s'appelait Football et immigration. Donc déjà à l'époque, on s'y intéressait et on avait, je crois, compris l'importance de lier ces deux notions-là entre elles et le contact qu'il peut exister entre celles-là de par l'histoire longue du XXe siècle et des liens qu'il y a pu avoir, Coppa, Zidane, Platini, on les connaît et je crois qu'on va on va y revenir par la suite. Et il a recommencé à travailler sur le football quand il a sorti son bouquin en 2011 qui s'appelle « Traître à la nation » qui se proposait de donner un regard sociologique sur la grève des Bleus de la Coupe du Monde 2010 à Nice-Na, où les joueurs de l'équipe de France avaient refusé de s'entraîner en protestation à l'éviction de leur partenaire Nicolas Anelka, qui aurait lancé des insultes à son entraîneur de l'époque, Raymond Domenech, et qui a ressorti un bouquin en 2014 qui s'appelle « Riche, affreux et méchant », à eux sur l'équipe de France, et qui revenait sur ces tensions-là, en fait, entre l'équipe de France et les journalistes, mais également sur la composition sociale de ces joueurs de l'équipe de France et des liens houleux qu'ils pouvaient avoir avec les médias. Je vous propose d'écouter Stéphane Beau. On a deux extraits à vous passer. Le premier, c'était une interview sur une radio amie, France Info. On les salue, d'ailleurs, docteur. Vous avez beaucoup d'acquaintance, vous, avec cette antenne en particulier, je crois. Totalement, ouais. J'adore. Où il s'exprimait à propos de son ouvrage « Traître à la nation ». On l'écoute. Moi, moi, ce que je comptais, ce que je trouve assez grave, c'est que finalement, ces joueurs de foot, on leur assigne une mission impossible. Ils doivent être aujourd'hui les représentants d'une nation parfaite, alors que fondamentalement, le vrai problème, il est sportif. On a une équipe de France moyenne, avec des joueurs moyens, et donc on voudrait, la France entière voudrait qu'ils soient les représentants d'une nation conquérante sportivement. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que je trouve... Qu'est-ce qu'on cherche chez ces joueurs, finalement? C'est ce que vous avez dit au départ. C'est vrai que, d'une certaine manière, on insiste toujours après sur leur origine nationale, sur le fait qu'ils viennent de banlieue, etc. Si on prend le cas de Nasri, par exemple. Samir Nasri, il est né à Marseille. Son père est né à Marseille. Sa mère est née à Salon de Provence. Ses parents vivent à Marseille. C'est ce qu'on appelle une troisième génération, d'un terme affreux. Ça veut dire que c'est un petit-fils d'immigrés algériens. Et dans la presse, il y a la une de Minute cette semaine, ils ont souillé le maillot. Ils, c'est qui? Bien, c'est toujours les mêmes. Ces enfants d'immigrés ou petits-enfants d'immigrés qui seraient les responsables de tous nos maux. On serait donc encore dans une stigmatisation? Oui, je pense aujourd'hui que ça participe de cette stigmatisation. Et que justement, le travail des sociologues, mais aussi des journalistes critiques. Là, j'ai vu récemment un texte de Bruno Roger Petit dans le Huffington Post qui enfin réagissent en disant il y en a marre aussi que la presse sportive joue un rôle de relais de cette politisation des affaires sportives. Stéphane Beau, autre point très intéressant dans votre analyse, vous avez beaucoup étudié le monde ouvrier. Est-ce qu'il y a des correspondances entre ces deux mondes qui sont a priori en apparence opposés, mais pas tant que cela réalité. Non, en fait, parce que c'est tout à fait la même chose. Le football se recrute dans les classes populaires depuis le début quasiment du football professionnel. Le réservoir de main-d'œuvre footballistique, si l'on peut dire, se trouve dans les mondes populaires. Aujourd'hui, c'est le monde des cités. Mais je voulais insister sur un dernier point. Quand on évoque tout ça, il faut bien voir les effets que cela a. Je prends l'exemple, cette équipe de France, elle manque d'un grand meneur de jeu. Le grand meneur de jeu potentiel, c'est Younes Belhanda. Il est né en 80 en France. Son père est ouvrier agricole dans la région de Vauvert, là où Gilbert Collard a été élu Front National, député Front National. Eh bien, Younes Belhanda, pourquoi finalement il a opté pour l'équipe du Maroc en octobre 2010? Voilà ce qu'il dit dans le Midi Libre. Le choix était difficile. Mais quand j'ai vu les réactions après le fiasco du Mondial en Afrique du Sud, je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait pas de Maghrébin dans cette équipe de France. Et Younes Belhanda, un futur grand joueur, peut-être l'équivalent de Zidane, ou en dessous en tous les cas, un très très beau joueur, a choisi l'équipe du Maroc. Ça veut dire que jouer en équipe de France aujourd'hui, ça devient un fardeau, un jeu très risqué pour les joueurs? Ça peut devenir un fardeau si on continue ce jeu risqué, à mon avis, qui est en train de s'établir, avec notamment cette hypermédiatisation et cette condamnation des procureurs médiatiques sur ces joueurs. Alors, Stéphane Beau dit plusieurs choses. Il dit des bêtises aussi, hein, parce que, par exemple, on était juste après 2010. Peut-être que juste après 2010, Younes Belhanda, nouveau Messi. Voilà. Son avenir était plus prometteur que ce qui est arrivé. Hein, voilà, Younes Belhanda est devenu un joueur un peu lambda, je crois. On peut le dire, mais ceci dit, j'ai l'impression qu'il dit deux choses. Il signale d'abord quand même cette stigmatisation médiatique des joueurs de foot. Et qu'elle n'est pas étrangère à l'origine ethnique ou géographique des joueurs. Et puis, il dit aussi finalement autre chose, c'est qu'il légitime tout à fait le football comme terrain de recherche de ce lien entre foot et immigration. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi j'en pense que c'est pas un excellent sélectionneur, mais c'est un sociologue qui soulève des questions très intéressantes. Et effectivement, je vais saluer France Info pour une fois, puisque en l'occurrence, on vous en donne peu l'occasion. Voilà. Donc en l'occurrence, il s'agit quand même d'une interview où l'ami Beau a réussi à parler, à dire des choses intéressantes, et c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de faire ça sur les chaînes classiques de radio. Et donc effectivement, ça c'est très très important quand même de rappeler finalement cette chienlit qui a été déversée finalement sur ces joueurs-là d'une manière finalement totalement univoque, c'est-à-dire que tout le monde était unanime pour dénoncer ce qu'on va qualifier tout simplement de mauvais français. C'était ça le procès d'intention qu'il y avait derrière, très clairement. Et j'avoue que moi-même, aux premières révélations de l'affaire, je ne suis pas forcément tombé dans le panneau des mauvais français, mais tout de suite, je me suis dit, ah oui, effectivement, tiens, ces comportements me semblent un petit peu déviants. Et c'est vrai qu'on oublie parfois la force des médias. Et c'est vrai que l'esprit critique dont on se prévaut souvent, eh bien, il faut le mettre en œuvre tout le temps. Et je vous avoue, mon cher Manuel, que moi-même, à la suite de l'affaire Knissa, j'ai juste ricané doucement, comme je le fais souvent aussi. Mais il y avait peut-être derrière une sensibilité, finalement, à un travail médiatique important qui était celui, à mon avis, de clairement dénigrer une catégorie de la population française. Je crois, de toute façon, si je peux me permettre, de toute façon, c'est un point crucial que relève Stéphane Beau dans cette courte interview à la radio France Info. Je pense qu'il y a un vrai problème d'hypermédiatisation de ce problème. Par exemple, je pense à la question de chanter ou pas l'hymne national, donc la Marseillaise. On balancera peut-être un deuxième extrait qui en parle. Il faut se souvenir, je ne sais pas s'il en parle dans cet extrait précis, que la première fois qu'on en entend parler, c'est Jean-Marie Le Pen à l'Euro 96 qui fait cette déclaration un peu douteuse. Il y a trop de noirs dans cette équipe de France, sachant que la plupart des joueurs noirs auxquels il faisait référence sont des gens des départements d'outre-mer, des Antillais, des Martiniquais, des gens de la Réunion, donc totalement français. Donc déjà, c'est une aberration totale. Ça a été repris par Marine Le Pen, sa fille chérie, dans les années 2009-2010. Donc moi, je pense que c'est très important de montrer que quand Samir Nasri insulte Vincent de l'équipe, Vincent Duluc, on se prend des matchs de suspension, alors que maintenant, c'est par exemple qu'il est la fameuse top et qu'il joue toujours en équipe de France. Et que, donc, il y a des choses qui sont... Alors, vous nous apprenez quelque chose. On sait aujourd'hui qui est cette fameuse taupe. Sur les ondes de Radio Galère. À 90%. Je pense qu'en fin d'émission, on révélera aux si auditeurs voulez, de Débat Tournant Guirou et de Radio Galère. Et ça sera en lien avec l'actualité. En plus, Yacine Stéphane Beau, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre cet extrait? Moi, je pense que c'est effectivement très intéressant ce que dit Stéphane Beau dans cet extrait. Et d'autant plus dans son ouvrage qu'il présente à ce moment-là. C'est-à-dire cette stigmatisation et cette accusation qui est faite à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire qu'on cherche, après cette grève, on cherche des accusés, on cherche des leaders. On veut couper des têtes à la Fédération française de football. Et les personnes qui sont premièrement assignées par les médias, en fait, c'est la banlieue, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était Rosine Bachelot qui disait juste après que l'équipe de France était prise en tâche par des caïds de banlieue. Je crois que les mots sont quand même forts. Et surtout, en dépit de toute enquête et de toute preuve. Donc, on met au banc des accusés la banlieue, les jeunes issus de l'immigration, les mauvais Français, quoi, en fait. Un peu comme disait Doc. Et si je peux me permettre, ça me fait penser... En relisant mes notes, que le premier joueur professionnel qui a été repéré comme issu de banlieue, le joueur de banlieue, c'est Luis Fernandez, des Minguettes, ce quartier réputé difficile de la banlieue lyonnaise. Et à l'époque, on disait que c'était des joueurs de banlieue qui avaient un esprit acharné, qui mouillait le maillot, qui lâchait rien, etc. Donc c'était plutôt positif, même si c'était une catégorisation, alors que maintenant ça se transforme en des caïra stigmatisés. Un culte. Donc c'est intéressant de voir qu'on met sur un piédestal quelqu'un comme Luis Fernandez qui a gagné l'Euro et qui a fait une super carrière en tant qu'entraîneur et qu'après on critique assez facilement des jeunes joueurs pour leur origine. Bah, se pose aussi peut-être la question de cette fameuse intégration, moi je trouve, et la question générationnelle de l'intégration. Je me demande dans quelle mesure les anciens n'ont pas aussi un travail forcené à faire pour intégrer les jeunes dans une équipe de football. Ces jeunes générations qui sont visiblement culturellement différentes des anciennes. Et cette notion d'intégration qu'on demande en permanence aux populations immigrantes, je fais ce parallèle-là, finalement. Je ne sais pas si j'ai raison. En tout cas, en ce qui me concerne, de mon avis personnel, je ne sais pas si Yacine prend le... confirmé. J'ai l'impression quand même que la France, au niveau européen, est un modèle, entre guillemets. Je parle du football professionnel, hein, de l'équipe de France notamment, et j'ai l'impression que le foot peut être un outil d'intégration à la française, et contrairement à des équipes comme l'Italie ou l'Espagne, on a très rapidement intégré, depuis très longtemps, les années 40, 40, 50, des joueurs d'origine étrangère comme Copa, qui s'appelait Copagneski, qui a été francisé à son arrivée au SCO d'Angers. Mais il y en a plein, Chigana, qui est né au Mali, ce genre de choses. Je vous propose de réécouter Stéphane Beau dans un extrait que vous nous avez amené, Jean-Baptiste, un extrait qui pourrait s'intituler « Pourquoi ne pas chanter la Marseillaise est devenu un problème ?» M. Platini a toujours dit, j'ai jamais chanté la Marseillaise, ça n'a jamais posé de problème. Et même quand on jouait dans les années 70-80, souvent la Marseillaise était sifflée dans les stades par nos propres supporters, pour des raisons ignorantes on pourrait dire, et ça n'a jamais posé aucun problème. Et ce qui est important, c'est comment, quand est-ce qu'on a commencé à poser comme problème le fait que des joueurs ne chantent pas l'hymne, ne chantent pas assez, que l'hymne ne soit pas assez chanté, etc. Pourquoi ? On voit bien un effet de comment... un effet de période quand on a commencé à suspecter cette équipe de France de pas assez bien représenter la nation. Ça s'est fait d'abord en 96 quand Jean-Marie Le Pen a commencé à remarquer que dans cette équipe de France il y avait beaucoup de joueurs de couleur noire, première chose. Après ça a continué d'autant plus dans les années 2000 et à ce moment-là, alors là, il faudrait faire l'histoire et j'incite un jeune historien ou historienne à le faire, quand les caméras de télévision ont consacré à ce moment qui était un moment sans importance, le moment de l'hymne, des commentaires, une attention particulière. On en a fait une espèce de brevet de citoyenneté, voilà, de brevet de francitude. Vous serez un vrai Français si vous chanterez bien la Marseillaise. Et bien sûr, à travers ça, comme toujours, il y a toujours cette suspicion qui pèse sur ceux qui sont a priori moins français que les autres. Donc on demande encore plus à ceux qui sont a priori moins français que les autres, les enfants d'immigrés, coup de noir de peau ou d'origine algérienne marocaine, de plus la chanter que les autres. Alors, il faut dire à nos auditeurs que c'est un reportage, c'est un extrait. Non, c'est un extrait du film. C'est un extrait du documentaire, de 90 minutes de Faute et Immigration. Voilà. Donc, il y a des images derrière ce son et que l'extrait commence par le défilé des joueurs. Alors, je ne sais pas quel match c'est, ça doit être dans les années 80. C'est un match de l'Euro 84. Voilà, c'est un match de l'Euro 84. Il n'y a à peu près aucun joueur qui, de cette équipe de France qui ne chante. On voit bien que ni Platini, ni Chigana, ni Fernandez, ni Stopira, ni Stobira, ni Gires, personne ne chante l'hymne. Et c'est vrai que, comme l'explique Stéphane Beau, c'est devenu un problème. Et je rajouterais, moi, pour rebondir encore sur des propos de Stéphane Beau, pour l'avoir écouté aussi cette semaine, interpellé dans une émission de RMC, où il cite un des journalistes de RMC dans son ouvrage sur la question des binationaux, ces fameux binationaux qui sont formés en France, nés en France pour la plupart, et qui vont choisir une sélection. Et évidemment, ce sont les sélections algériennes, marocaines, qui sont... le plus souvent cité dans ce genre de cas. Et le journaliste de RMC dit que c'est un problème. Voilà. Et du coup, ça pose beaucoup de questions à Stéphane Beau. Il y a un exemple parfait en ce qui concerne la binationalité, c'est la famille Pogba, avec Paul et ses deux frères jumeaux, Mathias et Florentin. Donc Paul, maintenant qui est un titulaire incontestable en équipe de France, et ses deux frères jumeaux aînés, du coup, l'un qui joue de mémoire maintenant en Écosse, et l'autre qui est le défenseur de la Saint-Étienne, qui ont opté pour le maillot guinéen, alors sachant que leur papa est guinéen, et donc Paul pour la France. Donc on peut se demander si ce n'est pas une question de niveau, sans être péjoratif, et non plus d'amour du maillot, comme on l'a pu l'entendre assez souvent. Quoi. Bon, je crois qu'on peut... dire qu'on en a à peu près fini avec cette première partie d'émission. On se passe un petit morceau de musique et on se retrouve... Un petit mot sur la question de la binationalité. Bien sûr, excusez-moi Yacine. Certes, je pense aussi, je prends le parti du niveau, que c'est une question de niveau, mais il y a eu quand même des joueurs qui ont fait, qui ont posé question après coup. Moi, j'en avais repéré en fait deux dont je voulais rapidement parler, que sont Yacine Brahimi et Sofiane Feghouli. Yacine Brahimi, qui je trouve à un niveau étincelant avec le FC Porto depuis l'année dernière, qui est quelqu'un qui a maintenant 25 ans, qui est né à Paris, qui a grandi et fait ses formations en France et qui joue pour l'équipe d'Algérie. Donc est-ce qu'il il y aurait un retour de ces binationaux-là qui a quand même posé le problème de l'affaire des quotas en centre de formation. À rappeler peut-être dans l'émission. Rappeler cette affaire-là, Yacine, s'il vous plaît. Et juste avant de rappeler cette affaire-là, le cas de Sofiane Feghouli qui joue au FC Valence en Espagne et qui a un bon niveau et qui... Je vais rejoindre un peu ce que disait Stéphane Beau, c'est-à-dire que c'est peut-être le joueur qui nous manquerait en équipe de France actuellement. Et qui disait par contre dans France Inter il y a environ un an, je crois que c'était en octobre 2014, quand on lui posait la question de pourquoi il avait choisi la sélection algérienne, il disait qu'il se sentait plus algérien que français et qu'il n'avait jamais senti une forme d'intégration envers la France, que la France ne l'avait pas intégré. Et je crois qu'il faisait référence à cette affaire de quotas qui avait eu lieu 3 ans avant et l'affaire de la grève des Bleus et de la médiatisation qu'il y a eu autour. Il faisait référence à ces deux choses-là. Donc pour revenir rapidement sur l'affaire des quotas, c'était une affaire qu'avait révélée Mediapart en novembre 2011. Et en fait, c'est qu'il y a eu une réunion à la direction technique nationale en présence du sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, Laurent Blanc, sur l'instauration de quotas en centre de formation de joueurs qui pourraient devenir ou être binationaux, c'est-à-dire formés en France, puis qui pourraient partir jouer pour l'Algérie, la Guinée, le Sénégal ou le Maroc. Très exactement. C'est très exact. Ce rappel des faits est parfaitement fait par notre ami Yacine. Et c'est sûr que ce qui pose la question, finalement, c'est que donc finalement, c'était une discussion. Hein. Il ne s'agissait pas d'inscrire forcément ça dans les tables de la loi de la fédération. Mais déjà, ça posait problème puisque la discussion était autour de on forme des joueurs qui s'en vont jouer à l'étranger. Donc, on perd quasiment. En rentabilité. Et c'est là que se pose une question quand même extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y aurait une discrimination à l'égard de gens qui pourraient éventuellement quitter le giron français pour aller enrichir d'autres nations. Et là, forcément, la levée de boucliers médiatiques a permis, cette fois-ci, de limiter finalement cette discussion et de... pour une fois, de maintenir finalement un cap qui, pour l'instant, est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, je crois, actuellement. Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en a pas actuellement non plus. Comme tu le disais, c'était une discussion... Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de systèmes de quotas dans le recrutement, puisqu'on voit que... Enfin, on voit qu'au niveau des joueurs professionnels, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de l'immigration, qui auraient potentiellement possibilité d'être binationaux. Donc, je ne crois pas que ça a été mis en œuvre. Enfin, je ne veux pas, je ne sais pas exactement de quoi je parle. Je ne connais pas exactement les statistiques, mais à mon avis, bah, c'est je pas. Je pense que c'était justement ça le problème. Oui, c'était oui, le sûr. Fait de se poser la question et que Laurent Blanc pose le débat. Je suis complètement d'accord. En tout cas, une. Pardon, excusez-moi Jean-Baptiste. On mettra peut-être en relief avec un ancien coéquipier, Willis Sagnol, et ses déclarations fracassantes sur ses propres joueurs qui disaient, je ne sais plus, peut-être qu'Yacine peut retrouver exactement, qui disait qu'il en résumé, les joueurs blacks en avaient besoin pour l'efficacité et la solidité, la rudesse, mais qu'il manquait des joueurs techniques dans son équipe et il faisait référence donc à des joueurs de couleur blanche. C'est un peu douteux et Laurent Blanc n'a jamais... affirmer qu'il n'y avait pas eu de quotas mis en place et qu'il n'y avait pas eu de documents, c'est un peu le flou. Oui, encore une bien belle affaire qui a agité le football ces dernières années. Allez, un peu de musique pour se faire plaisir. Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ? Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors ? Alors ? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie. puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Clébert, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas. Mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça? Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais... Du verbe valoir, tu t'étais plus élégant. Alors? Voilà. Alors? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais. On écoutait Marine Le Pen, la chanson magnifique de l'ami Philippe Catherine. Débattons dans Guirou, foot, immigration et flux migratoires. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez une pratique du football vous-même? Pas du tout, je ne l'ai plus depuis des années. J'ai essayé. Mon père a essayé désespérément de faire de moi le nouveau Chris Waddle, mais sans aucun succès. Bah, on ne sait pas. Peut-être que vous êtes quand même le nouveau Chris Waddle, mais par ailleurs, sur ces nouvelles activités. Je sais que vous produisez des t-shirts, par exemple. Vous quand êtes même, bien renseigné. Lié au football, d'assez près. Vous parlez d'un petit peu de cette entreprise? Faire de la pub, 5 minutes. Oui, vite fait. Peut-être. J'ai récupéré la marque FC Panino de mon ami Gilles Roff, qui réalisait des documentaires aussi sur le football. Et je lance prochainement une marque qui va s'appeler Bondel, donc sur des t-shirts vintage autour du football. Voilà. Vous en saurez plus bientôt. Docteur, on va vous retrouver un petit peu plus tard dans cette émission pour votre traditionnelle chronique. Mais on va s'intéresser à la page cinéma de cette émission avec donc le film « Foot immigration, 100 ans d'histoire commune » auquel vous avez ardemment participé, mon cher Jean-Baptiste Loi. En tant qu'assistant réalisateur. C'est ça, co-auteur et assistant réalisateur. Qu'est-ce que ça veut dire, assistant réalisateur? Donc, c'est un travail d'enquête préalable au tournage, la mise en place de tout ce qui est planning, des rendez-vous avec les interlocuteurs, donc, que ce soit des stars ou des ouvriers ou des éducateurs. Et après, c'est l'organisation logistique et de la gestion, en fait, à la fois du parc matériel et de l'équipe technique. Donc, c'est un peu l'homme à tout faire de la situation qui est à la fois le tampon, donc avec Eric Cantona, qui est une star mondiale. Donc, c'est difficile à gérer sur une année au quotidien, et les interlocuteurs, et bien sûr les badauds qui veulent des autographes, etc. Plus après toute la partie administrative, voilà. Et c'est moi aussi qui m'étais en charge de tout ce qui est archives, donc ma première expérience en tant que documentaliste, un métier que j'exerce aussi en parallèle. Voilà. Docteur. Quand vous dites que vous êtes co-auteur, en fait, c'est un film qui a été... Écrit à plusieurs mains. Écrit à plusieurs mains. Ouais. Et c'est quoi? C'est une idée de Cantona, quand même, à la base? Exactement. Donc, c'est une idée d'Eric Cantona, qui, de par son histoire personnelle, il est petit-fils d'Espagnol, sa mère est espagnole. Et bien, donc, il est petit-fils d'anciens de Rivesaltes, donc qui étaient des immigrés espagnols dans les camps. Donc, c'est une histoire forte. Et de l'autre côté, du côté de son père, c'est des Sardes qui sont venus pour travailler et qui habitaient dans des grottes à l'origine en France. Donc, c'est typiquement une famille d'immigrés. Donc, ça le touchait. Et donc, il a apporté ça à la chaîne, au diffuseur Canal+, qui a été séduite par ce concept. Et je crois que pour en avoir parlé avec Eric, en fait, il s'est vite rendu compte que les trois figures emblématiques du football français de ce siècle, ce que disait Yacine tout à l'heure, donc c'est... Tout le monde est à peu près d'accord, Coppa, Platini, Zidane. Donc Coppa, donc fils de Polonais, qui a eu la nationalité française à l'âge de 21 ans, donc très tardivement, qui a dû choisir. Platini, qui est petit-fils de Piémontais et italien, donc qui était en Lorraine, son grand-père était un maçon, qui a ouvert un café des sports à Jeuf, donc une ascension sociale un peu comme ça se faisait chez les Italiens, particulièrement dans le nord et dans le nord-est, donc par l'achat d'un commerce. Et quant à Zidane, donc fils d'Algériens, notamment de Kabyle, avec l'histoire particulière avec son papa, comme on en parle dans le film, qui a travaillé près de 9 ans sur la place même où était édifié le Stade de France, en tant que conducteur d'engin. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire. Voilà. Pardonnez-moi, je n'avais pas rebranché mon micro. Est-ce que, Jean-Baptiste, on pourrait dire qu'on pourrait placer ce film dans une forme de discours ? On voyait, on a décrit dans cette première partie d'émission à quel point, médiatiquement parlant, les jeunes footballeurs issus d'immigration étaient stigmatisés, encore et toujours, et peut-être encore plus aujourd'hui. Et est-ce que, dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'un discours positif et gentiment positif, sans être péjoratif, et que ce film-là pourrait tout à fait s'inscrire dans ce procédé? Oui, je crois que c'est un film, même si, avec le recul, je trouve qu'il y a bien sûr des choses à revoir, des défauts. Je crois que le point positif, c'est ce que vous relevez, c'est qu'il faut le dire. Il faut mettre du positif, montrer que le football peut être un vecteur égalitaire, que l'esprit du jeu, c'est un sport populaire, que dans le vestiaire, quand je me répète, mais quand on allait voir les jeunes à travers toute la France, eh ben, ça marche, effectivement. C'est un outil d'intégration. Les jeunes, il n'y a pas de communautarisme. Dans une équipe, il peut y avoir un Turc, un Malien, un Algérien et des bons Français, entre guillemets, il n'y a aucun souci. C'est plus tard que le problème, s'il en est un, se pose. Donc effectivement, la rencontre dans le film, par exemple, il y a Edgar Morin, de Jamel Debbouze, donc des gens d'origine diverse, et on avait envie de montrer que le foot est un miroir d'une France culturelle qui a toujours été multiethnique de par son histoire avec son empire colonial, et que ça pouvait être autre chose que l'opium du peuple, quoi. Yacine, vous avez vu ce film ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Moi, j'ai bien aimé le film, mais je l'ai trouvé émouvant. Je l'ai trouvé émouvant parce que c'est des choses qui sont dites dans ce film-là qu'on n'entend pas forcément toujours. Et on fait parler ces footballeurs-là de leur passé, de leurs parents, qui n'est pas leur passé propre parce que, comme le disait bien Jean-Baptiste, c'est pour les trois figures emblématiques qu'il a choisies, que sont Coppa, Platini et Zidane, des enfants d'émigrés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas vécu l'émigration en fait. Et ils parlent de leurs parents et ils en parlent comme des enfants. Et c'est ce que j'ai trouvé beau dans ce film-là, c'est qu'il montre une facette qu'on ne voit pas tous les jours chez les footballeurs. Et je crois qu'elle est importante, cette facette-là aussi. Et comment ils se sont construits. Luis Fernandez raconte par exemple dans le film les matchs avec ses équipes de jeunes, que par exemple sa mère lui avait interdit d'aller à un match, et ils en parlent avec émotion, ou Zidane, quand il parle de son père, de ses parents, de l'histoire de ses parents, on sent clairement qu'il est touché dans le film. Et c'est un film que je trouve qui est beau à voir et qui rappelle l'importance du jeu au-delà du sport, de ce jeu magnifique que le football. Dans ce film, il y a beaucoup de grandes figures du football français. On remarque du coup à quel point aussi l'immigration est source de talent énorme pour le football français. On a cité peut-être les trois plus grandes figures qui sont Coppa, Platini et Zidane, qui sont en dehors de JPP, les trois ballons d'or français en fait. Hein, donc, et vous avez vous-même rencontré, j'imagine, quelques-uns, ouais, voire tous ces grands personnages. C'est quelle histoire vous a le plus touché, peut-être, ou en tout cas la plus intéressé? Bizarrement, ma grande surprise, parce que je ne suis pas un grand fan de l'homme médiatiquement, c'est Zinedine Zidane, ce dont je parlais avec Yacine Orantène, qui a un vrai charisme, qui a une vraie aura que les autres n'ont pas forcément. Et effectivement, qui s'est... Bon, c'était dans un cadre un peu parallèle, c'était le jour de son anniversaire. avec sa famille, dans le cadre de son Z5, sa salle de sport à Luynes. Donc je pense qu'il était déjà ému, il savait qu'on allait rencontrer son oncle et son père et qu'on connaissait déjà ses frères, etc. Et donc il s'est laissé aller vraiment et il faisait un temps magnifique et je sais pas, la mayonnaise a pris, donc il a pleuré et il nous a demandé de pas couper les deux caméras, parce qu'on avait deux caméras. Donc c'est vrai qu'on a pu capter un moment rare où Zinedine Zidane, donc est un peu l'idole du football français, pleure en parlant de ses parents, de tout ce qu'il... de son admiration pour ces gens qui lui ont transmis les valeurs de persévérance, de travail, etc. Donc c'était un moment fort. Et peut-être celui, la rencontre qui m'a le plus surprise de très loin, c'est Jamel Debbouze. Parce que pareil, comme quoi la médiatisation peut parfois déformer. Je pensais que c'était un clown qui me faisait rire, hein, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très, très, très intelligent et qui a un vrai discours. Pas du tout. Moi, je pensais que c'était un discours un peu bâclé, gentillé presque, j'aimerais dire. Mais non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une vraie réflexion. Et l'interview, c'est celle qui était la... celle qui coulait, qui était évidente, qui disait les choses les plus... à la fois calme et posé, mais en envoyant un message fort. Moi, je pense que Eric voulait envoyer un message fort aux institutions, aux gouvernants du foot français, de la fédération, mais aussi aux gouvernants politiques. Et je pense que c'est Jamel Debbouze qui le résume le mieux à sa manière. C'est cet extrait-là que vous souhaiteriez nous faire écouter. Alors, je vais le préparer, mais en attendant, docteur, moi, je voulais vous interroger à travers les... deux autres grandes figures qu'on a citées tout à l'heure, Coppa et Platini, se placent les immigrations polonaises et italiennes en France. Est-ce que vous pourriez, docteur, comme à votre habitude, nous parler un petit peu de ces flux migratoires assez particuliers ? Oui, ce sont des flux migratoires qui sont liés finalement à un manque de main-d'œuvre en France. Notamment dans l'entre-deux-guerres, et même avant, en fait, puisque la France a souffert d'une baisse de la natalité précoce, en fait, par rapport aux autres pays européens, ce qui a fait, en fait, qu'il y a eu énormément d'immigrés italiens, notamment dans les bassins miniers, dans les bassins ouvriers, que sont le nord ou l'est de la France. Et c'est vrai qu'il y a eu, tout cette... Cette importante migration, aussi dans le sud-est de la France. Et c'est lié à une histoire qui est très particulière, quand même, celle d'une France qui est assez rurale. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que cette France industrielle, qui a été alimentée par d'autres populations, finalement, est le bastion du football. C'est-à-dire que le football naît avant tout dans les cercles industriels, dans les classes populaires industrielles. Et donc, c'est pour ça aussi que ces descendants d'immigrés ont une part extrêmement importante dans l'équipe de France, dans l'histoire de l'équipe de France. Voilà. Alors on va écouter Jamel Debbouze. Sa France, c'est une vieille dame, elle a peur de tout, c'est vrai, elle est un peu en panique. Elle a une histoire tellement lourde, tellement chargée, qu'elle a des tropismes, des réflexes culturels ancrés profondément, qui fait qu'elle aura toujours peur, et il faudra toujours la rassurer. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir en plus, madame. On est là pour ça. Mais on a aussi envie que notre pays d'accueil, appelons ça comme ça, nous aime tout simplement pour ce qu'on est et pour ce qu'on lui apporte concrètement, tu vois. Et que ça ne soit pas que par le biais du football. Tu vois, que ce qui se passe sur un terrain puisse se passer dans des grandes écoles. Qu'on puisse nous ouvrir Sciences Po, l'ENA, qu'on puisse faire en sorte qu'on nous laisse faire partie de l'élite, tu vois, qu'on laisse l'immigration faire partie de l'élite, c'est ce qui rendra le plus service à ce pays, parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce que fait le sport. T'as pas d'autre alternative, t'es mauvais, tu travailles pour être bon. Si tu fais pas cet effort-là, il se passe rien. Et c'est en ça que je trouve que sur un terrain, il y a une certaine justice. Parfois, c'est cruel, mais la plupart du temps, c'est juste. T'es la meilleure équipe, tu gagnes et on est avec toi. Et ben là, quand t'es immigré, même si parfois t'es le meilleur, tu gagnes pas. Et ça, c'est pas normal. Voilà, on écoutait Jamel Debbouze dans cet extrait du film Foot Immigration, 100 ans d'histoire commune. J'imagine, Jean-Baptiste, que la figure aussi d'Éric Cantona, ça doit aider à la confession. Ils le connaissent tous, ils l'ont tous un peu fréquenté. La plupart, oui. Ouais. Mmh. Donc, c'est un type qui en impose et qui aussi a des prises de position globalement plutôt entendables. C'est un personnage charismatique qui... moi, je disais souvent, c'est ces amoureux-toi dans mon travail quotidien. Mmh. Parce que ça me permettait d'accéder... par exemple, Michel Platini était son ancien sélectionneur. Bolli, c'est la famille. Il a hébergé Claude Bolli, par exemple, quand il était étudiant à Manchester. Basile, ils étaient à l'AGIA, ils ont fait toutes les bêtises ensemble. Lucie Hernandez, pareil, ils se connaissent par la radio. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. Et même pour trouver tout ce qui est des ouvriers... d'anciens mineurs d'origine polonaise ou des ouvriers sidérurgistes en Lorraine d'origine italienne, le nom de Cantona bien sûr résonnait, parce que si ça avait été un autre réalisateur, je pense que ça aurait été bien plus compliqué. Là, il y a un aspect confession, c'est un homme de gauche, il va pas nous trahir, on peut parler de l'immigration, c'était un peu plus facile. Ce qui est assez marrant aussi, je trouve, en tout cas ce que je relève, c'est que ces grands anciens joueurs de l'équipe de France dont on parle dans ce film, je les recite, Raymond Coppa et Michel Platini notamment, font aussi partie des premiers flux migratoires de transfert de joueurs français qui vont jouer dans des grands clubs étrangers. Raymond Coppa, il a été, après avoir participé aux grandes épopées du Stade de Reims, transféré au Real Madrid, qui était le plus grand club européen à l'époque. Michel Platini à la Juventus Turin. C'est assez drôle aussi, finalement. Et ça, j'aimerais juste dire un mot. Le choix de Platini, ça, il nous l'a dit, je ne sais pas si c'est dans le cadre du film, je crois surtout hors antenne, pour la Juventus de Turin, alors qu'il avait une meilleure proposition financière en Angleterre. Mais c'est pour des raisons personnelles, vraiment d'attachement à ses racines italiennes. Alors qu'il ne parlait pas un mot d'italien avant d'arriver à la Juve. C'est assez drôle parce qu'il a fait son contrat en anglais. Et son surnom dans les vestiaires a été Il Francese très rapidement. Et c'est devenu le nom affublé par les supporters de la Juve. Yacine, vous opinez du chef. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, j'opinais parce que... il le disait aussi en antenne. Il faisait référence à cette anecdote de retourner vers ses origines piémontaises et donc à Turin. Et je voulais faire un clin d'œil au trio d'attaque qu'a pu être le Real Madrid avec Coppa, Di Stefano et Puskás, si je me rappelle bien. Enfin, j'y étais pas, mais... Qu'on gagnait trois Coupes d'Europe d'affilée les trois premières années de l'arrivée de Coppa. Pas mal. Oui, un club, disons, discutable à l'époque aussi. Exactement. On peut le dire. Alors, disons-le. Docteur, vous nous avez préparé une petite chronique, je crois, ce soir, que peut-être c'est le bon moment pour la placer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous le souhaitez, allons-y. Quel est l'objet de cette chronique, mon cher docteur ? La prophétie. On vous écoute. Religieusement, comme d'habitude. Nul n'est prophète dans son pays. Pour reprendre ces paroles de Luc, Jean ou Matthieu, et emprunté à Jésus constatant la froideur des gens de Nazareth, chaque jour nous apprend l'inaptitude d'autrui à saisir le miracle pointant pourtant ses yeux, c'est-à-dire moi. Le scepticisme n'a en effet point attendu le Messie pour s'arroger en philosophie. L'homme de l'Ouest, l'homme des marais, l'homme du couchant qui s'adresse à vous ce soir, en sait assez long sur cet adage qui lui fait, depuis de nombreuses années, embrasser les ondes radiophoniques du PAF des Bouches-du-Rhône. Lourde tendance donc, non exempte de parachutage, qui érige des barrières au final bien factices entre le chez-soi ou le chez-nous et le territoire de l'autre, vécu tout autant comme une jungle hostile que comme une nécessaire terre à conquérir. J'en veux pour preuve les événements de la veille, tout à mon ouïe encore échaudé des pathétiques éléments de langage de ce que l'on nomme campagne électorale ici, à savoir exercice belliqueux visant à conquérir une portion d'espace plus ou moins étendue et séparée pour l'occasion par des barrières, semblerait-il, intangibles. Éloge de la mobilité que ce fils d'immigré italien, interdisant les soirs de Coupe du Monde le brandissement d'autres drapeaux que l'oriflamme tricolore, lui permettant de légitimer, s'il le fallait, son appartenance nationale, forcément unique. Ce sentiment faisait défiler l'extravagant, le brillant niçois, avec son comparse du front, Perra, pour une nouvelle Calédonie française en 1988, et le bien peigné et autoproclamé résistant militait pour le retour de la peine de mort quelques années plus tard. Chers auditeurs, je vous avoue moi aussi m'être essayé à cette enivrante odyssée qui consiste à faire valoir ses 20 ans, à partir à l'assaut du monde, armé de son seul bagage, culturel bien sûr. Débarquant sur la Côte d'Azur à l'automne 2007 et m'attardant dans l'un des rares lieux publics m'accordant sa précieuse hospitalité, la bibliothèque de Nice, pour ne pas la nommer, je constatais avec effroi que les toilettes de ce temple nécessitaient, elles aussi, le versement d'une obole. Il fallait donc s'acquitter d'un jeton pour pisser. Le maire de la radiocité, notre futur directeur de conscience régionale, arguait, foi de motard, que ça réchauffe quand même son homme de se pisser dedans. Reste que tout le monde n'a pas la chance de s'auto-asperger dans le confort d'une combinaison prévue à cet effet. Le moteur à pisse existe, les Qataris l'ont breveté, Estrosi l'ira chercher. Quant au remplacement des énergies fossiles par des centrales à merde, alimentées par des clodos en fin de course, venus faire bronzette sur le littoral méditerranéen, il devrait susciter l'unanimité du Conseil régional Horizon. Enfin, nos amis migrants de Syrie seront placés dans des centres de rétention pourvus de bicyclettes, sans roues, sans temps, histoire de contribuer, eux aussi, dans leur bien maigre mesure, à l'exportation d'électricité française. Mais trêve d'écologie. De COP21, il n'est plus question. Diable que ce fut facile à étouffer. Prenons l'air et caramba, noyons-nous les yeux au point d'inarticuler tequila en croisant le Pancho Villa des Camargues, le Diego Riviera du Pacalo. Nul n'est prophète en son pays, comme nous le rappelle l'autre Dédé, pas le José Anigo de l'équipe de France et un temps entraîneur de Marseille, mais l'actuel star des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac. Rappelons-nous. Né pourtant du bon côté du Rhône, Gignac est formé à Fos-sur-Mer, puis à Martigues, avant de signer son premier contrat pro à Lorient. Passé par Toulouse, certains doutent de sa capacité à se transcender techniquement pour connaître le succès sous les couleurs marseillaises. Baliverne, qui pourrait croire qu'il faut la moindre aptitude technique dans les rangs phocéens ? Et pourtant, c'est le drame. 2010, pont d'or pour Gignac et Rémy, Gignac conspué, Gignac qui l'aime son maillot, qui le mouille, pour pas grand-chose peut-être, mais qui n'enraye pas la machine à sarcasme. Rendez-vous compte, il faut faire oublier Niang. Éteindre l'incendie Brandao. Dans les années 2000, Marseille s'est ainsi spécialisée dans les avant-centres en bois. On les croirait embauchés pour détourner l'attention des supporters de la gestion du club. Et ça marche. Gignac, affublé du sobriquet Big Mac pour ses accointances récurrentes avec le Ronaldo Yankee, n'y arrivera jamais. Gignac enquille, Gignac plie. Le vélodrome s'oublie parfois, le rappelle, Gignac ressuscite, Gignac pardonne tout, mais s'en va. Gignac est au Mexique. Là-bas, c'est Trotsky, tout le monde en veut. Il est nul, il est champion. Goleador campeón. T'en vas pas, susurrait Elsa Abicente. Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas, comme un voleur, il est parti sans moi, tu m'emmèneras jamais aux USA. Hélas, la plupart du temps, on se trompe de pays. Le voyage, nocturne, fleurbon, l'embrun et la charogne. À l'arrivée, les miradors et la couronne d'épines à poser sur la tête, quand ce n'est pas l'étoile, jaune ou celle du berger, allemand forcément, qui vous tient lieu de boussole. Car on ne peut quitter un pays qu'au risque de retomber dans un autre. Et si une fois au royaume des Borgnariens, le Veulbrun fut fait roi, cette lugubre épopée, qui ne jouit plus aujourd'hui d'aucun tabou, nous incline surtout à nous défier des prophètes. Blaireaux sur leur moto, ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Le rallye mécanique des Mad Max de bazar a recommencé son cirque au soleil de janvier. On traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzer. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion, ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Passe la caravane et les chiens n'en voient plus, sous les roues des bécanes y a du sang répandu. Les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village quand vous êtes passés. Comme des petits rommels, tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole, ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. pistolet font leur terrain de sport d'un continent entier. Combien d'années enfin, ces beaux sponsorisés prendront sol africain pour une cour de récré. Dans leur joute odieuse, les bonbons bien au chaud, au fond de leur délicieuse combinaison fluo. On écoute Renaud dans Des bâtons d'Anguirou, spécial foot, immigration et migration en tout genre. Ça balance pas mal, docteur, quand vous vous occupez de la musique dans cette émission. Hein. Eh bien, voilà, maintenant vous saurez qu'il faut me faire confiance. Voilà, mes goûts musicaux sont peut-être douteux, mais parfois, il y a du contenu. Ouais, ça swing, hein. Renaud, période banjo, c'est, ça balance. Ah bah oui, Renaud, bah, y avait un super chanteur, des super textes. Vous parliez de Gignac dans votre chronique, merveilleusement bien d'ailleurs. Moi je trouve que Gignac c'est un bel exemple de flux migratoire romantique. Bon, bien sûr, il y a un shot de tequila à 4 millions d'euros derrière ce transfert. Mais en même temps, transfert exotique qui lui donne raison, c'est le foot passion, c'est le foot Gignac. C'est ce que j'allais dire. Il n'est pas parti au Qatar, contrairement à certains. Je me rappelle par exemple d'un joueur que j'idolâtrais, Mamadou Niang, qui m'avait beaucoup déçu en allant s'exiler dans un pays qui n'a aucune culture footballistique. Alors que là, Gignac, je crois que c'est vraiment pour des raisons avant tout personnelles. Et il est arrivé à un âge où effectivement, il y avait de l'argent à mettre de côté. Ça, on ne va pas lui jeter la pierre. Et en plus, je dois dire que moi, personnellement, je n'ai jamais été un grand fan de Gignac quand il était ici, ni à Toulouse, à part la première saison d'ailleurs. Et qu'il démontre quand même un certain nombre de qualités assez incroyables. Là, il marque des buts de fou, il a déjà une statue en marbre à Monterrey. Il va être probablement l'un des attaquants titulaires ou un remplaçant de poids pour l'Euro 2016. Donc bon, la classe, monsieur Big Mac. Bah, ça veut dire qu'il y aurait encore la place pour des transferts ou des flux un peu romantiques dans le football. Ça veut dire ça, moi je trouve. Ouais, non, c'est super agréable l'histoire de Gignac. Moi non plus, j'étais pas un grand fan de Gignac était ici. Bah, quelque part, sa petite brioche m'intéressait, c'est vrai parfois. Mais ce qui est assez beau, comme vous le dites, Manuel, c'est qu'on voit pas mal de flux qui sont à base de gros sous. Là, effectivement, il y a peut-être un peu de ça, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. Il aurait pu se faire des couilles en or. C'est pas ce qu'il a forcément choisi de faire. Il a choisi d'aller dans un championnat qui est un championnat qui est compliqué. C'est pas rien d'être un bon buteur au Mexique, parce qu'en fait, il y a un super niveau de jeu dans le championnat mexicain. Championnat dont il est champion depuis hier. Depuis hier, hein, depuis ouais, hier exactement. Soir. Ouais. En marquant le but victorieux. D'ailleurs. En marquant le but de l'égalisation avant la séance de tir au but. En fait. Ah, très bien. Mais voilà. Bon, c'est un peu triste puisqu'il jouait contre les Pumas de l'UNAM, qui est mon club de cœur mexicain. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il a la classe. Il a la classe. Un avis sur Gignac, Yacine. Je sens que ça boue en vous, là. Pas forcément, mais il y avait un match que j'avais trouvé rigolo où il jouait pas. Et en fait, il était blessé. Il n'était pas sur le banc de touche. Et la plupart des joueurs de foot, dans ces cas-là, ils sont en général dans la tribune, juste derrière le banc de touche, donc bien placé et tout ça. Et lui, en fait, avait décidé d'aller voir le match derrière la cage du gardien, qui est celle qui est devant les tribunes des virages. Et il regardait le match comme un vrai fan, c'est-à-dire qu'il sautait. À un moment donné, il a glissé, il est tombé après une occasion et on sentait que c'était un passionné. Voilà une bien belle anecdote sur Dédé. Si on parlait maintenant pour terminer cette émission, il nous reste encore quelques minutes, des flux migratoires en général dans le football. Moi, je voulais vous poser une question, puisqu'en faisant quelques recherches sur ce sujet-là, est-ce que vous savez, par exemple, dans les années 30, quel était le club principal de la ville de Marseille ? Le SMUC. Ce n'était pas le SMUC, non. En Doom ? Pas en Doom non plus. Moi, je dirais que c'est un club arménien, mais non. Et non plus, c'était le SH Marseille, qui était le stade helvétique de Marseille. Ah, oui, c'est-à-dire que le premier club, même champion de France à l'époque, était constitué d'une migration suisse apparemment importante à Marseille, ou du moins conséquente. Peut-être que le docteur, vous pouvez nous éclairer sur cette migration suisse marseillaise dans les années 10 et 30. Il se pourrait bien que ce soit des habitants du Trentin, là. Donc cette minorité qui parle italienne en Suisse, hein, je ne sais pas. Non, en fait, je n'en sais rien, mon cher Manuel. Bon, en tout cas, depuis en Europe, l'arrêt Bosman, on va peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'arrêt Bosman. Docteur, je crois que c'était en 1996, 95, ce joueur de foot un peu obscur du championnat belge. Enfin, obscur, peut-être pas. Il aurait pu faire une très belle carrière. Peut-être pas obscur, d'ailleurs, pardon, mais dont la carrière a été très certainement barrée par cette affaire, décide d'aller en procès, puisqu'il estime que les joueurs de foot ne sont pas logés à la même enseigne que tous les autres citoyens de l'Union européenne et que... Union européenne qui garantit la libre circulation des travailleurs. Or, jusqu'en 1995, dans les clubs de foot européens, ou en tout cas en France, peut-être c'est pas exactement la même réglementation dans les autres pays, mais seulement 3 joueurs étrangers étaient autorisés dans l'effectif ou sur le terrain. Je sais pas, ça c'est pareil, il y a quelques nuances à apporter. Et bref, de procès mené par Jean-Marc Bosman, procès gagné, et depuis maintenant, on parle des joueurs extra-communautaires. Alors, Yacine, qu'est-ce que sont les joueurs extra-communautaires ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a certains championnats qui ne peuvent aligner dans leur feuille de match un nombre limité de joueurs qui seraient ressortissants de pays hors de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de tous les championnats, mais il me semble bien que la France en fait partie et que au-delà de 3 joueurs ou 4 joueurs, parce que ça a dû évoluer dans les dernières années, on ne peut pas inscrire plus de 3 ou 4 joueurs qui ne seraient pas ressortissants de l'Union européenne. Voilà. Ce qui fait que depuis l'année 1995, les transferts ont explosé. Le nombre de joueurs étrangers en France a explosé aussi. Et on observe quelques flux migratoires intéressants, cher docteur. Bien, c'est vrai qu'on a eu le premier élément de réponse lors de la Coupe du Monde 98, où la plupart des joueurs qui composaient l'équipe championne du monde donc venaient de... Enfin, jouaient en tout cas à l'étranger, jouaient notamment beaucoup jouaient en Italie. Je pense que la majorité des joueurs qui jouaient à l'étranger à cette époque-là jouaient en Italie. Voilà, depuis, on a énormément de joueurs qui jouent principalement en Angleterre. Et puis, quelques joueurs qui sont meilleurs, en général, qui jouent en Espagne. Et c'est vrai que ça se répartit très souvent entre ces 3 pays-là, où il y a des championnats qui sont effectivement intéressants. Et surtout, il y a des rémunérations qui sont, pour le coup, intéressantes. Donc, c'est vrai que l'idée de la libre circulation des travailleurs, il ne faut pas oublier que si on fait circuler librement des travailleurs, c'est bien de faire circuler librement les gens. Mais l'idée de faire circuler librement des travailleurs, c'est aussi pour essayer de maximiser les profits, pour faire en sorte de développer au maximum une économie capitaliste. Donc, il ne faut pas oublier que derrière l'arrêt Bosman, il y a toute une idéologie qui a été finalement favorisée par cet arrêté-là. Donc au-delà de l'idée de liberté, c'est vrai, des flux auxquels dans lequel je m'inscris totalement, il y a après tout une idée qui est celle finalement de constituer un maximum de pognon grâce à ça. Vous avez raison de le rappeler, docteur, ça laisse sans voix nos invités. On a évoqué plusieurs autres, et donc ce flux migratoire des transferts en Europe s'expliquerait, selon vous, docteur, par Des logiques de marché. Des logiques de marché, et du coup, les joueurs français, par exemple, qui s'exilent beaucoup, en tout cas les meilleurs joueurs français, ou les joueurs français, disons, qui ont atteint un âge un peu plus mature, pas les jeunes, s'exileraient donc dans les championnats anglais, italiens, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais et espagnol pour des raisons économiques. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est au niveau européen. Et ça, c'est vrai que la libéralisation, l'arrêt Bosman a facilité ça. Après, ça ne concerne pas un autre aspect qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, le fait que d'autres joueurs aillent jouer, par exemple, en Chine, aillent jouer au Qatar. Ça, c'est un autre aspect. Parce que là, on n'est pas dans les mêmes logiques favorisées par une législation européenne. Donc, c'est un petit peu différent. Après, il y a toujours le même aspect financier qui est caché derrière. Enfin, qui est caché, même pas caché derrière. Mais c'est ce que j'allais dire avec la plupart des stars anglaises qui finissent en MLS maintenant, comme par exemple Steven Gerrard. Tout le monde pensait figure emblématique des Reds de Liverpool, personnellement un de mes joueurs préférés de l'histoire du football, qui trahit les siens pour partir en MLS dans un club, un sous-club, comme Jovinko qui joue à Toronto actuellement, comme Didier Drogba qui joue à Montréal. Bref, voilà. Et il y a encore 2 ans, c'était l'Inde. Donc, on a l'impression que c'est un peu des modes d'expatriation, d'exil pour des raisons économiques. Et le Qatar rentre aussi dans ces logiques-là. Le Qatar, moi, j'ai l'impression que c'est un peu has-been maintenant avec le Qatar Gate et cette Coupe du Monde qui va... On ne sait pas trop. Il y a un espèce de flou sur le maintien ou pas de cette Coupe du Monde. Donc, voilà. Et alors, quid de ces Brésiliens ? On a évoqué aussi en préparant cette émission le flux de Brésiliens arrivant en Europe et pour la plupart retournant finalement finir leur carrière dans leur club d'origine ou en tout cas dans leur club de cœur. C'est un mécanisme qu'on voit aussi beaucoup. Bah, c'est sûr qu'on voit très souvent des stars brésiliennes jouant jeunes, 17 ans, 18 ans, jouant dans des clubs qui sont des bons clubs, hein, Flamengo, Fluminense, tout ça, des clubs intéressants au Brésil, et qui sont transférés. Alors on attend, on fait un peu parfois monter la sauce pendant 6 mois, 1 an, avant qu'ils soient définitivement transférés dans les grands clubs espagnols, très souvent, ou éventuellement anglais, ou aussi, portugais, ouais. Ou parfois même dans des grands clubs russes, hein, directement, on pense à Hulk. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que ce parcours-là, il est parfois assez rapide. C'est-à-dire qu'on va en Europe pendant quelques années. Au final, la situation sportive convient mal, ou alors les joueurs ne jouent pas tellement, et retournent assez rapidement au Brésil. Alors, est-ce que c'est pour... est-ce que finalement, c'est des occasions manquées, mais qui permettent de passer un petit peu de temps en Europe et de se faire un peu plus d'argent? Je ne sais pas. Je crois que Jean-Baptiste a un avis un peu plus construit peut-être là-dessus. Pas construit parce que pas tellement objectif, mais je pense que le championnat brésilien est terriblement surcoté et qu'ils ont un stock de joueurs de bon niveau, contrairement à la Ligue 1, beaucoup plus important et qui se permettent effectivement de lancer des jeunes. Ben nous, on a vu le cas à l'OM, on est spécialiste dans ce genre de choses, à lancer des pépites, le style Lucas Silva, donc qui est prêté par le Real de Madrid. Je pense qu'ils nous ont envoyé son frère, ou ce genre d'énergumène. Après, effectivement, il y a ce côté, le retour aux sources, comme Juninho, qui était reparti au Brésil, qui maintenant va être entraîneur, probablement, peut-être à l'OL, on en parle en tout cas, pour remplacer Hubert Fournier. Mais j'ai l'impression que, contrairement à l'Argentine, où il y en a moins en Europe, ouais, les agents brésiliens profitent de cette aura un peu de meilleure équipe du monde, le jeu brésilien, etc. C'est ce que j'allais vous dire, il y a un fantasme complet. Ouais, ouais. On a eu quelques belles perles en France. Hein, oui, bien sûr. Bah Brandao, par exemple, ouais. Qui est moi, un joueur que j'adore. Moi aussi. Dire, mais... Voilà, mouille le maillot, casse-toi. Mais... Voilà. Il est pas. Mais je pensais à une époque aussi à un joueur brésilien qui jouait au FC Metz, le FC Metz des fin des années 90, qui avait failli être champion celui de France. Celui qui, heureusement, n'a pas été champion de France. Celui de Robert Pires. Celui des Pépé Flingueurs, tout à ouais. fait. Il y avait un Brésilien qui jouait au milieu de terrain qui s'appelait Isaias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui était assez formidable puisqu'il ne possédait à peu près aucune technique. Mais pourtant, il tentait d'être le Brésilien de cette équipe Messi. Oui, voilà, c'était le Brésilien en Lorraine. Je croyais que c'était Sylvain Kastendutch. Le Brésilien de Metz oui. Ben, c'est peut-être le vrai Brésilien de Metz, Sylvain ouais. Kastendutch. Mais des Brésiliens... Oui, excusez-moi. Je voulais dire un mot sur les Brésiliens. C'est vrai qu'on les annonce souvent comme des futures pépites, des cracks... Et on se rend compte aujourd'hui que souvent, ça se passe plus difficilement que prévu. Et il y a énormément de joueurs qui arrivent du Brésil, qui jouent quelques matchs, puis qui finalement se retrouvent à être un peu des déceptions. Il y en a un qui quand même, en France, qu'on peut voir au PSG, qui avait fait naître beaucoup d'attentes à son sujet et qui n'arrive pas à s'imposer comme titulaire au Paris Saint-Germain, c'est Lucas Moura, qui a certes des qualités indéniables, mais qui apparemment a on va dire, un manque au niveau tactique de ce que j'ai pu lire, mais qui n'arrive pas à s'imposer au PSG et qui aujourd'hui se retrouve à jouer remplaçant alors qu'on l'a annoncé comme un futur Ballon d'Or. Alors, on vous avait pas prévenu, mon cher Yacine, mais vous avez dans la même phrase prononcé trois fois le nom d'un club qu'il est interdit de prononcer dans cette émission. Mais c'est vrai qu'on vous avait pas prévenu. En théorie, la punition, c'est de nous payer une tournée au bar dans la foulée. Voilà, on va voir, on va peut-être s'organiser, s'arranger, mais on vous avait pas prévenu, donc. Je savais pas. Voilà, donc nous on préfère. Et vous vous rappelez, Yacine, où jouait ce joueur Denilson? Je crois qu'il jouait dans un club français. Bordeaux. Ah, il a joué à Bordeaux, hein, et voilà. Ah voilà. Et voilà, il y a une deuxième règle. Ouais, on peut pas non plus nommer ce club-là. Ah mince, désolé. Yacine, on a fait des pièges, mais je crois que vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes très bien renseigné par ailleurs. Pour terminer cette émission, on va terminer en parlant football jusqu'au bout, juste pour vous signaler que le club de Leicester, qu'on a le droit de prononcer, reprend la tête du championnat d'Angleterre en atomisant Chelsea 2-1. Chelsea qui donc est laborieusement 15e du championnat d'Angleterre et qui affrontera le club de la capitale, c'est tombé aujourd'hui, en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. Un dernier mot, il y a Riyad Mahrez qui a marqué un but et qui fait un début de saison vraiment très très fort du côté de Leicester, qui est l'étonnant premier de la Première Ligue. Et qui fait partie de ces joueurs binationaux formés en France et qui jouent actuellement pour l'équipe d'Algérie. Et que la Brune aurait souhaité acheter, mais cela ne veut pas être possible. En tout cas, celui qui a marqué pour Chelsea ce soir à la 77e minute, c'est Loïc Rémy, qui a, lui, joué à l'Olympique de Marseille. Pas toujours merveilleusement, mais bon, voilà, joueur de football honnête. Qu'est-ce que vous pensez, juste pour terminer, du tirage au sort de l'Euro 2016, de ces équipes que les Bleus vont affronter? Moi, je me réjouis du retour de Loric Sanna au Vélodrome avec le brassard de capitaine de l'Albanie. C'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle cette merveilleuse tête sur un coup franc de Samir Nasri, côté virage nord. Donc, on est content de l'accueillir à nouveau. Loric Sanna qui joue aujourd'hui au FC Nantes, et alors ça, on a le droit de prononcer ce club le plus de fois possible. Et non plus à l'Aladiodrome. Voilà, docteur Yacine, un dernier mot. Vous nous interrogiez, mon cher Manuel. Pardon, sur le tirage au sort de l'Euro. C'est vrai. Et peut-être enfin, je m'interrogeais peut-être seulement moi-même. Voilà, avant qu'Yacine ne puisse répondre, qu'il puisse mûrir sa réflexion. Moi, effectivement, je me félicite vraiment aussi énormément de la réception de l'Albanie à Marseille. Ça va être une fête formidable. Et j'espère, Manuel, qu'on fera tout pour m'envoyer à Tirana pour un reportage spécial. Ce reportage n'ayant jamais eu lieu faute de moyens, j'espère qu'une nouvelle fois, les gars de la radio vont m'aider à accomplir mon rêve. Normalement. Il nous reste à vous souhaiter une bonne nuit à tous. Merci Yacine d'être venu dans cette émission des Bâtons d'Anguirou. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a plu, je reviendrai si on me invite à nouveau. Vous êtes au courant des règles maintenant strictes qui régissent ce dispositif. Merci Jean-Baptiste, à vous aussi d'être venu. C'était la dernière émission de 2015 de Des Bâtons d'Anguirou. Une belle année pour nous. Hein, oui, c'était une super année. Moi, je me félicite personnellement d'être revenu. C'est à vrai comeback. Un vrai comeback de supplé, quelques désistements qu'on a pu constater en ces débuts d'année. Mais c'est toujours un plaisir, mon cher Manuel, de préparer, d'animer, de co-animer des émissions avec vous lorsque le sort en décide. Et je remercie nos deux interlocuteurs de ce soir qui ont fait en sorte qu'on passe un moment très agréable, en plus du fait qu'il soit extrêmement intéressant pour nos chers auditeurs. On se retrouve donc en début d'année prochaine avec une émission probablement sur l'imposture, donc ça nous concerne en premier lieu, qui sera diffusée sur une autre antenne, puisque vous le savez, chers auditeurs de Radio Galère, maintenant nous partageons notre modeste talent avec une autre antenne locale. Et ben, je vous dis bonne fin de soirée et bonne fin d'année. Found a cure for loneliness, I'm forever immune. Stuck in my walking, in my head, and a hump or two. If she got rhythm, it's right. Some things don't need words. You you know you're living when it all becomes a blur. Can't be explained, and there ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers to choose from, but none like her. It's almost hard to recognize myself. Slowly I've changed, turned into someone else. I find myself doing things I'd never do, dreaming of her the whole day through. Can't explain, there is no need. There's no one else who's been inside of me. Can't be explained, and there ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers to choose from, but none like her. The only one for sure. 1 million lovers to choose from, but none like her. The only one for sure. Back what I've lost, like a wave on.